Moi ma chère, moi cherché, moi pas jamais trouvé. Moi parti voyager sans jamais oublier. Si la vie pas ni plaisir, mais nous toutes nous qu'est fléchir. Si ni fleur qui peut fleurir, nous même nous peut sourire. Pas besoin parole, pour moi peut savoir que ça qu'est changé. Si un jour arrive, nous toutes qu'est voir ça réaliser. Tout ça qui a parlé devant la société, a payé qui képé, fait la tête chale virée. Non, non, non. Moi marché, moi cherché, moi pas jamais trouvé. Moi parti voyager sans jamais oublier. Si mon âme a grandi, vous-même faut réfléchir. Si l'amour est pâli, faut pas faire jalousie. Pas besoin de parole, pour moi, ben savoir que ça a changé. Laissez-moi partir, pour moi, ben vivre, j'en moi qu'à sentir. Tout ça qui a parlé, devant la société. A pas yo qui képé, fait la tête chavirée. chevalier, revenez vos dames.